d'accord, que les souvenirs t'emportent. Les regrets n'ont plus cours à présent. D'accord, le passé est feuille morte. Le glaçonne pour d'anciens amants. Mais vois-tu, de tout ça, je m'en fous. Don't you know, I don't care about you. D'accord, pour ne plus vivre à genoux. Exister envers et contre tout. J'ai fixé des ailes à mes souliers pour vers d'autres cieux pouvoir m'envoler. Car vois-tu, aujourd'hui je m'en fous. Don't you know, I don't care about you.